Des tonnes d'énergie dépensées, je m'étonne, mais merci les Français. Merci. J'ai comme exercice mes pensées, ouais, je fais que m'élancer. J'ai formé le lexique défoncé sur un chemin de nature hybride. Dans l'accent, lacune, vert foncé. Ici, mes lacunes y brillent. Appelle-moi tête de turc, tête de poisson, Charles froid, sans charge de foi, son charme. Enterre le truc et bois ton jack. Désigné, l'équation charge mes idées. Nettoie ton chlasse à l'acide, la flèche dépassera la cible. Et le poison chasse, décidé. Ma tête est face à l'asile. Un bâtiment de pierre froid, j'ai que des trois quarts de rime et des deux tiers de phrases. Un gros placard de vivre et de pierre tiède. Laisse mes gamins, j'écris sur une toile de jute, un support d'un grammage épais. J'attends des réponses adéquates, hein, et j'éponge la déprime. Mais qu'en effet, le constat est triste. Et j'ai de la résine plein les doigts, plein des poisses. Émergence avec Youssef et Mista MC. Zidane m'a fait rêver, m'a fait comprendre que la vista existe. Je me retrouvais le soir, instinct solo. Quand la ville est vide, pour la maîtrise de soi, place la barre haute. Comme la ville est nie, la vie me vide. Alors j'écris comme ça m'enchante. Place des shoots dans mes tracks, je ma rime que mon track enchante. Je navigue dans un ruisseau sans eau, sur une feuille à quatre rouges, un horizon cousu sans éclaircie. Ma mine comme un bas-jour, à plan ne sont pas les cartouches. Mista 12 et Youss pour émergence hip-hop. Cousin, moi je veux qu'ils s'écartent tous. Trop parle au fond, je vois que moi fume et qu'on fume. Des faits passés enfuis, des faux frères feintes et fuient. La prose fascine quand toute la fausse fascine. Des sales histoires de faciès, des réprimandes sans face. Et si pas de réponse majestueuse, un pic et plus de 100 phases ici. Enfin bref, je kick avec ce doux et donc des rives refait ma ville. Le monde décrit ma rime loin de la mode et toutes ces choses immondes. J'image à ma manière, dans ma tête j'ai un IMAX perso. Un peu de verset funèbre, t'as vu le recto, tu verras pas le verso. Tu verras pas le verso. On n'est pas hostile, on parle aux flics et fume des parochites. Y'aura pas d'autre titre, la vie n'est pas rose fils. Quand t'es pas rotide, on reste propice, faut y croire. J'ai le vice, au mitard, ma rime elle vit. Obi-Wan veut la carrière d'Elvis. Obi-Wan, j'roule du H pur gras, envoie des masses, tu captes. À présent, j'nique le monde pendant que mon futur se masse sur grave. L'équipe, j'ai pris les spliffs des petits, l'esprit vif, les billets spi. J'aime les buts et puis j'ai pas l'éthique des types épileptiques. Okay. On vit comme des coléoptères, avec des gestes osés, on perd. J'reste collé au père, car chez moi y a pas de choré obscène. J'rêve de débauche sans crime, là où l'ego s'en tire. Mon frère, dans le fond, j'suis pas égocentrique, mais sur le teco sans fric. Le quoi trop rentre, j'suis pas trop lent, j'aime la fuite. Quoi de beau à part que les frérots spavent entre la Hollande et la Suisse. Des propos si crédibles, le son dès l'automne il frétille. Vote aussi, il fait gris, j'baisse le rap, appelle-moi Rocco si Freddy. Les gens ne changent pas, personne pour dire tout haut ce qu'on pense étrangement bas. J'sais que t'écouteras, mais est-ce que t'entendras? Même le temps prend de la chope, la compile, on va pas te la vendre 30 balles. Les gens ne changent pas, personne pour dire tout haut ce qu'on pense étrangement bas. J'sais que t'écouteras, mais est-ce que t'entendras? Même le temps prend de la chope, la compile, on va pas te la vendre 30 balles.